après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse tourtière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. Danny Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant d'un décès qui est survenu vendredi. Le premier homme à faire la traversée internationale du lac Saint-Jean, Jacques Amiot, a rendu l'âme à l'âge de 93 ans vendredi à Québec. Jacques Amiot s'est rendu célèbre en 1955 puisqu'il a été le premier nageur à parcourir la distance du 26 km qui reliait Vauvert à Roberval avec un temps de 11h32 et 10 secondes. Et un an après, Jacques Amiot, le 17 juillet 1956, devenait le premier Québécois à parcourir la distance entre la France et l'Angleterre. Et en 1975, Jacques Amiot a réussi une deuxième fois la traversée de Nash qui regroupe cette fois de l'Angleterre à la France. Et Jacques Amiot avait amélioré son temps de 29 minutes, même à 50 ans. Les voyageurs de Jonquière sont de retour dans la série contre les Diamants de Québec. Hier, les voyageurs l'ont emporté par la marque de 10 à 9 contre les Diamants. Un double victorieux de Jean-Philippe Chagnon en fin de septième manche a permis aux voyageurs de prolonger leur saison. Le prochain match aura lieu demain soir à Charlebourg. Samedi, les voyageurs avaient gagné de façon tout aussi dramatique 5 à 4 grâce à un circuit de Yann-Éric Tremblay. Maintenant, Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Saguenay de Chicoutimi ont remporté deux victoires en fin de semaine en match pré-saison contre le Drakkar de Bécomo. Les Sags qui l'ont emporté 6 à 3 hier grâce à un tour du chapeau de Mathieu Desgagnés. Il y a Félix-Antoine Marcotti qui a marqué un but et amassé deux passes. Morgan Knowles, un but, une passe. Et Jesse Sutton a marqué un but, deux passes pour Hendrix Lapierre et Gabriel Villeneuve. Et vendredi, les Sags avaient gagné 5 à 1 contre les Drakkar de Bécomo à Alma. Il y avait une foule quand même qu'on peut qualifier de décevante, soit 850 spectateurs. C'était la deuxième édition du marathon de vélo de montagne qui s'est déroulé en fin de semaine au Toboski de Saint-Félicien. Nadia Lecomte de Chibougamau a terminé en deuxième place chez les femmes avec un chrono de 3h54 minutes et 18 secondes. Et Stéphanie Collard, tant qu'à elle, a pris le troisième rang avec un temps de 4h11 minutes et 17 secondes. Chez les hommes, Victor Véraud a très très bien fait en fin de semaine. Il a fait un cinquième temps chez les hommes avec un chrono de 2h49 minutes et 49 secondes. Le responsable Martin Demers a mentionné au Journal quotidien qu'il était très satisfait de cette deuxième édition. C'était la 39e édition de la course Métro Dubé d'Alma. Ça se déroulait en fin de semaine à Alma. Et chez les femmes, Marie-Claude Brassard, qui est native de Saint-Augustin, a gagné chez les femmes au 21 km avec un chrono de 1h23 minutes et 54 secondes. Au 5 km homme, Claude Gilbert a terminé en troisième place avec un chrono de 16 minutes 58 secondes. Et au 3 km, femme Saskia Duchesneau a triomphé avec un temps de 12 minutes 41 secondes. Et au 1 km, Joey Pronovo a triomphé avec un temps de 3 minutes 39 secondes. Et au 1 km chez les femmes, notons la troisième position de Dana Gauthier qui est du club du Mille du secteur de Dolbeau. Également, en fin de semaine, il y avait les éliminatoires de la Ligue de balle lente de Roberval qui se poursuivaient. On va vous donner les résultats. Donc, ça s'est déroulé hier. À noter que du côté de Zodiac, ils ont défait le Garma 6 à 5 et Garmia qui a battu 12 à 6 contre le Zodiac. Et je termine maintenant avec Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau qui n'a pas pu éviter la coupure lors du tournoi Mackenzie qui se déroulait en fin de semaine. Pierre-Alexandre Bédard, après une ronde difficile, a ramené une carte de moins 1, mais ça a été insuffisant pour éviter la coupure. Le sport local et régional à danradiosport.com.